Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour David Noguès. Bonjour Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette saison, le podcast il est encore soutenu par la NEF, qui est une banque éthique coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. On va être en plein dedans pendant tout l'épisode, vous allez voir. Et c'est donc la banque des 2030 glorieuses. C'est pertinent qu'elle me soutienne à de nombreux plans et parce qu'elle montre l'exemple de nombreuses manières. Je vous dis qu'elle est coopérative, par exemple, parce qu'elle appartient à ses sociétaires. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent. Elle est transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Et c'est donc la NEF qui me permet de donner la parole à des personnes aussi inspirantes que David aujourd'hui, qui contribuent sans attendre 2030 glorieuses. Moi, je suis fier d'être soutenu par la NEF. Soyez fiers aussi d'avoir un livret chez la NEF. Voilà, ça c'est dit. Aujourd'hui, je te donne la parole à David. David Noguès, tu es président du Grand Plateau. C'est un tiers-lieu pour les professionnels du vélo et des micro-mobilités. Tu es cofondateur aussi de l'entreprise Second Cycle. On va parler des deux. Ensemble, on évoquera le sujet du réemploi et de la réindustrialisation et de l'union pour faire la force. David, je commence cet échange en posant toujours la même première question. Imagine que tu es dans un événement où tu rencontres des inconnus, arrive cette question fatidique, parfois un peu redoutée de « Et toi, tu fais quoi dans la vie ? » Qu'est-ce que tu réponds maintenant, en 2025 ? Maintenant, je réponds « J'œuvre pour favoriser, faciliter la mobilité à vélo. » Voilà, c'est une réponse un peu large, mais qui normalement suscite des petites questions qui me permettent de préciser la présentation. Voilà. Oui, c'est ça. Les gens te disent « Ah ouais, la mobilité à vélo, tu fais quoi alors ? Tu vends des vélos, tu en répares ? » Et c'est ça ? Toi, tu embrayes ? Exactement. Exactement. Donc là-dessus, je rentre un petit peu plus dans le détail. Donc effectivement, mon métier premier, c'est de la vente de vélos reconditionnés dans le cadre d'une société que j'ai cofondée avec un ami que j'ai rencontré sur les bancs de la fac. On avait la petite vingtaine et depuis, c'est un parcours qu'on s'est beaucoup suivi ces dernières années. Il y a 5 ans, on a eu l'idée de créer une société qui s'appelle Second Cycle et dont le métier est de sourcer des flottes de vélos en France, en Europe, de les reconditionner et de les vendre en lot, en flotte, à des collectivités ou à des entreprises qui veulent s'équiper de vélos pour leurs habitants, pour leurs résidents, leurs salariés, pour encourager la mobilité à vélo. Voilà, ça, c'est le métier de Second Cycle, c'est mon quotidien avec celui de William et de notre petite équipe qui vient nous prêter main forte tous les jours pour faire vivre ce projet. Et Ouais, on a tous et toutes, hein, je crois, eu un moment en image, en tête, cette, parce que tu disais les flottes de vélos, et donc je reste dans le registre de la mer, ces mers de vélos, les photos là qu'on voyait, notamment en Chine, où on distinguait que des taches de couleur, alors qu'en réalité, c'était les fameux vélos de free floating qui étaient rapatriés et parce qu'ils n'étaient pas utilisés, les entreprises avaient coulé, le modèle économique ne tenait pas. Moi, ça m'avait pas mal serré le cœur au moment où j'avais vu ça. Et donc, vous, bon, c'est pas, j'imagine, avec l'ampleur du désastre chinois, mais vous travaillez à éviter ce carnage. Oui, complètement. Alors, c'est une petite contribution parce qu'effectivement, les clichés auxquels tu fais référence, qui étaient presque esthétiques avec des vues aériennes de je ne sais combien de stades de foot remplis par des carcasses de vélos, notre contribution reste modeste par rapport à l'immensité de ce gâchis. Mais en effet, on sauve parfois quelques milliers de vélos qui étaient destinés à être jetés, qui ne trouvent pas de nouvelle vie ou de débouchés après avoir été exploités une première fois. Et parfois, l'économie actuelle fait que c'est plus intéressant de jeter ces vélos et de repartir sur une production neuve pour continuer à écrire l'histoire plutôt que de réemployer. Donc peut-être qu'effectivement sur la quantité vous n'y êtes pas encore, mais à la fois vous montrez que il y a un modèle économique derrière ce gaspillage. On en reparlera dans un second temps quand on partira ensemble en 2030 glorieuse. Mais si on se parle aujourd'hui, premièrement c'est parce que la NEF nous a mis en lien, parce que la NEF elle finance une structure un peu à part, je l'ai présenté en introduction, c'est le Grand Plateau. Est-ce que tu peux m'en dire quelques mots du Grand Plateau s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, comme tu le disais en préambule, c'est un important tiers-lieu basé à Villeurbanne, largement soutenu par la métropole de Lyon, qui est un de nos partenaires principaux pour faire vivre ce projet, soutenu par un cluster mobilité qui est le cluster CARA en Auvergne-Rhône-Alpes. Et ce tiers-lieu est un bâtiment industriel de près de 8000 m2, qui aujourd'hui accueille environ 35 entreprises, environ 200 personnes en haute saison, qui œuvrent pour développer la mobilité douce, la micromobilité, la mobilité à vélo, à travers des métiers très différents. Il y a une galaxie de métiers relativement étoilé, on va dire, qui est abrité sur ce site. Ça va de lignes d'assemblage de vélos neufs ou reconditionnés à de la vente de vélos, de la fabrication de vélos, de la réparation, de la création d'abris et de mobilier de stationnement. Bon, il y a plein de métiers qui sont représentés ici au Grand Plateau. Et notre principale force, c'est la coopération, la collaboration, les synergies. Oui, on en reparlera de tout ça, parce que c'est vrai que ça paraît pas comme étant la norme en général dans l'économie classique. Et justement, tu vois, tu parles de coopération et moi, en général, j'aime bien dire que notre époque, elle est décroissante. Donc, peut-être que ça fera partie de ta réponse à venir. Mais si jamais tu devais résumer, peut-être que d'ailleurs, tu peux avoir deux réponses avec tes deux casquettes de second cycle et de grand plateau. Si jamais tu devais dire que tu t'attaquais à une décroissance de notre époque, est-ce que ce serait, je ne sais pas, une décroissance du bon sens, de la coopération, justement, et à l'inverse, du coup, à quelle nouvelle croissance vous participez avec vos différentes activités? Tu as déjà mis le doigt ou le mot même sur ce à quoi tu contribues exactement? Bah, comme je le disais, on contribue beaucoup à faire naître des idées collectives, à mutualiser nos réflexions, à mutualiser du business également. Je dirais que c'est vraiment c'est un peu notre raison d'être et c'est le fil conducteur de ce tiers-lieu. Et justement, ce que l'on voit plutôt en décroissance, c'est l'individualisation, c'est plutôt un management très vertical, très très descendant et on est plutôt, c'est une grande coloc ici, donc chacun a son mot à dire. C'est géré par une association dont je suis président au Grand Plateau. Il y a trois vice-présidents, un trésorier et on fait des rendez-vous très très réguliers avec l'ensemble des résidents pour prendre des décisions, prendre les bonnes directions et je pense que c'est vraiment notre point fort. Alors c'est pas géré que par une association, il y a aussi une équipe salariée. Là, il y a une directrice de site qui a l'initiative d'ailleurs du Grand Plateau et qui œuvre avec beaucoup d'énergie au quotidien et qui s'appelle Anne-Gaëlle Clos. Et voilà, et c'est tout ce beau monde qui travaille côte à côte et qui réfléchit ensemble pour dynamiser la pratique du vélo sur le territoire. Donc effectivement, vous travaillez à dynamiser la pratique du vélo, mais pas que. Vous avez plein d'impacts en fait. Vous avez notamment un impact au niveau de l'emploi, tu l'as dit, c'est plusieurs centaines d'emplois. Et ça, en général, on a du mal à mettre des chiffres dessus. Moi, je me sers souvent des études, notamment du Shift Project avec le plan de transformation de l'économie française. Je ne sais pas si tu avais vu leur travail pour montrer à quel point la réorientation de certaines filières pourrait être en fait avec un gain positif en termes de création d'emplois. Il y a l'ADEME aussi qui a fait ce travail de chiffrer le nombre d'emplois créés par les différentes filières qui sont, elles, à l'intérieur des limites planétaires. Et souvent, dans les chiffres qui reviennent, une des filières qui crée le plus d'emplois, c'est le vélo. Oui, complètement. En même temps, c'est le vélo qui crée qui est une filière qui crée énormément d'emplois actuellement et qui est appelée à créer énormément d'emplois. Ça, c'est en tout cas, c'est le côté très positif. Après, on n'est pas encore en 2030 glorieuse. On a hâte, en tout cas, d'y être. Aujourd'hui, c'est aussi une économie qui parfois est dans le dur hein, depuis 2 ans, hein, depuis la sortie de la crise Covid. On a eu un emballement de ce marché. Voilà, les emplois se sont créés très très très très rapidement. Le marché est extrêmement dynamique et depuis 2 ans, on constate pas un retour à la normale, mais parfois on a l'impression qu'on revient un peu sur la période pré-Covid. Je trouve, ralentit un petit peu la croissance promise de la filière vélo aujourd'hui. Donc là, on est un petit peu dans cette phase-là, mais je te rejoins complètement. Les études, que ce soit effectivement le Shift Project ou via l'ADEME, démontrent et sont très bien argumentées que la filière vélo sera vecteur d'emploi. Et puis en plus, des emplois intéressants. Je me base sur plusieurs témoignages, des visites aussi d'ateliers vélo et puis sur la super vidéo que vous avez sur votre site de second cycle qui montre toutes les différentes tâches qui vous occupent au quotidien. Même si c'est un univers plutôt industriel, on voit des chaînes de désassemblage, on voit des tâches qui pourraient sembler être un peu répétitives, de ponçage, de démontage, de peinture. En réalité, j'imagine que vous avez presque aucune journée qui ressemble à l'autre, à chaque fois des vélos différents, des missions différentes. Et donc, j'ai l'impression que ce sont des emplois qui, en plus d'un savoir-faire technique, font appel aussi à beaucoup de créativité. Est-ce que je me trompe ? Pas du tout. C'est ce qui nous motive, hein, de toute façon, tous les jours, pour faire avancer second cycle. Effectivement, on sait qu'on est exposé à des problématiques très différentes d'un projet à l'autre. Pour donner une illustration, notre premier client est la métropole de Lyon. Second cycle a fourni les Free Vélove. Ce sont les vélos mécaniques tout verts qui commencent à être très visibles dans les rues de la métropole lyonnaise. Et ce sont 7000 vélos qui étaient destinés pour certains à être jetés ou à ne plus circuler et qui vivent leur deuxième jeunesse au bénéfice de jeunes de moins de 25 ans qui ont la possibilité de louer gratuitement ce type de vélo pour pouvoir réaliser ces trajets du quotidien de manière propre, équilibrée. Sur le territoire de la métropole. Donc le métier il a été génial parce que quand vous avez ce brief de départ qui est fournir 7000 vélos, nous on venait de se lancer en 2020, ça commence à être un volume de vélos conséquent et il faut trouver ces vélos, il faut pouvoir les rapatrier ici, travailler localement. On a créé beaucoup d'emplois indirects et notamment en s'appuyant sur le tissu d'ateliers associatifs de la métropole. Donc il y a plein de gens qui étaient éloignés de l'emploi, qui ont appris les premiers gestes sur un vélo pour démonter des pièces, remonter des pièces en bloc, décaper, régler un vélo. Et on a accompagné des gens dans un cursus virtueux avec des gens qui aujourd'hui travaillent dans des magasins de grande renommée, des magasins de vélo. Et ont appris leur métier en commençant à travailler sur le Free Vélove notamment. Donc l'aventure est vraiment géniale et passionnante. On mène des projets aussi de revalorisation de pièces détachées, parce que parfois on met la main sur des parcs de vélos qui sont difficilement reclassables et où l'on récupère certains organes, certaines pièces détachées qui permettent de faire des réparations sur d'autres vélos à partir de pièces reconditionnées plutôt que de systématiquement enclencher la commande de pièces neuves pour réparer un vélo. Donc c'est le genre de projet qu'on est amené à mener. Oui, puis au-delà de donc l'impact écologique qui semble évident, que tu as abordé de différentes manières, et donc l'impact sur l'emploi, j'ai l'impression aussi que vous avez un impact sur l'imaginaire. Raconter comme ça que on a des entreprises qui peuvent embaucher, qui peuvent réussir à presque changer le territoire grâce au vélo, c'est raconter une histoire qui est complètement différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre depuis des dizaines, voire des centaines d'années, avec l'omniprésence de la voiture partout et son évidence comme moyen de transport numéro un. Toi, tu l'as... Est-ce que tu t'es rendu compte de l'importance de ce contre-récit? Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y a ce combat des imaginaires? Est-ce que tu as décidé d'y prendre ta part, tu vois, de manière très effective, très concrète dans ce combat? Oui, alors, on a quand même, la plupart du temps, on a quand même la tête dans le guidon, donc et c'est d'autant plus appréciable d'avoir ce genre de rendez-vous avec toi et de pouvoir justement élargir un peu, prendre du recul et effectivement essayer un petit peu d'analyser la situation. Oui, on a une forme de fierté en fait de mener ce genre de projet, à la fois pour le Grand Plateau de rassembler et d'aller vers un projet commun avec, ici on parle vélo, on beaucoup de choses gravitent autour du vélo, on découvre des nouveaux métiers, c'est hyper hyper enrichissant. Et puis effectivement, du côté de second cycle, on voit bien que le réemploi, fournir un parc de 7000 vélos à partir de vélos qui pour certains étaient destinés à aller à la benne, voir des jeunes, donc l'avenir, emboîter le pas et enfourcher ses bicyclettes et se déplacer sur le territoire content. Oui, ça amène beaucoup de satisfaction et on voit qu'on crée de l'emploi localement. Alors, on n'est pas une usine, on n'est pas encore dans un stade où on se remet à fabriquer des vélos comme c'était le cas dans les années 60 où on avait des grandes usines à Saint-Étienne ou à Grenoble ou dans le nord de la France. On n'est pas encore à ce niveau-là. Par contre, on se dit qu'on a allumé la mèche en se disant qu'on peut relocaliser de l'emploi dans un travail industriel ou pré-industriel à partir d'éléments qui existent déjà, et plutôt que d'aller encourager davantage de pollution et d'extraction de minerais précieux à l'autre bout du monde pour pouvoir développer des produits neufs, eh bien finalement un vélo ça a une durée de vie limitée, on peut sans problème lui donner une deuxième vie, une troisième vie, une dixième vie en refaisant une remise en neuf et en faisant tout ce travail localement avec des gens qui vont apprendre un métier. Et de ce point de vue-là, oui, c'est hyper motivant. Après, on est souvent confronté à la problématique. On est en concurrence avec le neuf et on est encore aujourd'hui, même si ça paraît évident de vouloir faire durer plus longtemps ces produits et partir sur du produit existant pour recréer, réemployer, retransformer. Aujourd'hui, on est en concurrence avec le neuf et il y a une réalité économique qui parfois nous rattrape, qu'on dépassera peut-être en 2030 glorieuse. Mais aujourd'hui, on est encore dans une recherche d'équilibre, une légitimité qui n'est pas toujours évidente à valider. Surtout quand on prend le déséquilibre économique qui est lié au fait que parfois les vélos ils viennent de l'autre bout de la planète avec des personnes qui ne sont pas payées du tout au même tarif, des considérations environnementales qui ne sont pas du tout les mêmes et qui font qu'il y a un déséquilibre, une concurrence déloyale, comme dirait l'autre. Alors que là, on a potentiellement des milliers d'emplois à la clé si on continue à favoriser des filières comme la vôtre. Donc là aussi, ça dit quelque chose de politique, ça dit quelque chose d'économique au niveau national, voire international, qu'on pourrait d'ailleurs, si tu le souhaites, évoquer quand on voyagera en 2030 glorieuse. Gardons les deux dernières minutes de cette première partie, David, si tu veux bien, sur la partie coopération. Parce que là, alors, on a assez bien compris qu'en fait, au Grand Plateau, il y a très peu d'entreprises qui sont en confrontation directe exactement sur le même marché. Et à la fois, de voir des entreprises qui mettent la coopération au centre de leur activité, c'est quand même assez rare. Est-ce que tu peux m'en dire un mot, me dire pourquoi, même toi, dans ton activité du quotidien, c'est pertinent? Et puis, si vous avez envie de progresser encore sur ces sujets, si vous avez des chantiers à mener encore pour améliorer cette coopération du quotidien? Oui, complètement. Alors, des chantiers, on en a plein. On a besoin d'ailleurs de les prioriser parce que pour continuer à exister, pour continuer à se projeter et à écrire la suite, on a besoin effectivement de développer, de mettre en œuvre de nouveaux chantiers. Je trouve que entre résidents, on a la chance de pouvoir partager nos problématiques. On est tous plus ou moins des jeunes entrepreneurs, donc dans des phases assez clés de maturité de notre projet. Donc on se pose beaucoup de questions sur les trajectoires de nos sociétés, sur nos business plans, sur, alors c'est un peu des gros mots, mais il faut effectivement planifier, avoir une feuille de route, et on a besoin, je trouve que c'est extrêmement riche de pouvoir partager ça avec d'autres dirigeants, d'autres créateurs de sociétés, parce qu'on n'a pas tous la même expérience. Et c'est extrêmement riche de ne pas s'enfermer dans son univers, dans son cocon. Donc ça permet d'apprendre, ça permet de se remettre en question, ça permet de se challenger, ça permet de nourrir ses réflexions. Et même si le Grand Plateau, c'est avant tout un outil de travail, c'est des espaces de travail que des entreprises viennent louer. C'est aussi un lieu d'échange. Et je pense que au-delà des espaces, la plupart des résidents viennent chercher ces échanges-là. Et depuis, le Grand Plateau s'est lancé en 2022, depuis 3 ans, on voit bien que ce travail collaboratif nous a plutôt tiré vers le haut que l'inverse. Et on a vraiment le sentiment d'être tous acteurs dans un projet commun. Et je pense que c'est profitable économiquement pour toutes les entreprises et c'est hyper valorisant aussi pour les différents créateurs d'entreprises qui habite cette grande coloc. Voilà. Alors aujourd'hui, nous, on est très concentrés sur les sujets de la mobilité, mais effectivement, ce type d'initiative existe peut-être ou pourrait exister dans d'autres domaines, dans le logement, dans l'énergie, sur d'autres supports, et peut-être même que ces différentes activités pourront se croiser à un moment parce qu'on estimera que finalement le seul spectre de la mobilité à vélo est plus suffisant pour continuer à trouver notre modèle, à rayonner, et qu'il faudra savoir travailler en collaboration avec d'autres secteurs d'activité pour aller plus loin dans des réflexions de développement, mais aussi de sobriété. Et c'est ça qui est hyper excitant. Depuis 3 ans, effectivement, on est vraiment sur la dynamique du vélo, mais on commence à se dire effectivement que notre projet pourrait être compatible avec d'autres secteurs d'activité qui partagent les mêmes valeurs de croissance raisonnée, raisonnable, et en faveur d'un monde meilleur. Ça peut paraître un peu utopique, mais... Mais n'en dis pas trop, David, puisqu'en fait, on va justement se permettre d'être hyper utopique dans quelques minutes à peine, et ça se trouve, on viendra à évoquer... je ne sais pas, le moment où le grand plateau s'est ouvert à je ne sais quelle thématique, mais on le décidera tout à l'heure. En attendant, avant notre voyage en 2030, on a toujours une sorte de petite coupure. Ce n'est pas une coupure pub, c'est une coupure lecture. Ça nous permet de nous rendre compte qu'en réalité, ces utopies qu'on va développer ensemble, elles ne sont pas si extraordinaires que ça, puisqu'elles sont déjà tout autour de nous, dans tous les livres qui accompagnent nos vies, qui peuplent nos maisons, nos bibliothèques, que sais-je, et qu'en réalité, on est souvent en utopie, parfois sans s'en rendre compte. Toi, tu viens avec une lecture qui nous ouvre comme ça une fenêtre vers des valeurs qui te sont chères et que tu aimerais voir se développer en 2030 glorieuse. Qu'est-ce que tu vas nous lire, David ? Alors, j'ai retrouvé dans ma petite bibliothèque un bouquin de Pierre Rabhi, qui est un agriculteur, qui était un agriculteur, un écrivain et un penseur français. Il a écrit plusieurs ouvrages et celui qui est en ma possession, c'est un bouquin qui s'appelle « Vers la sobriété heureuse ». Je suis très sensible à ce livre par rapport aux idées qui y sont développées. J'aime beaucoup le personnage aussi, il était ardéchois. J'y ai vécu en Ardèche jusqu'à mes 18 ans et je me retrouve dans beaucoup de valeurs énoncées dans ce bouquin. Alors, ben, y a qu'à le lire. Je pense que c'est le meilleur moyen de le comprendre. On t'écoute. Alors, c'est quelques lignes, ça sera assez court, mais c'est extrêmement parlant. Désormais, la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser l'humanité sera de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples et les plus sains. Cultiver son jardin ou s'adonner à n'importe quelle activité créatrice d'autonomie sera considéré comme un acte politique, un acte de légitime résistance à la dépendance et à l'asservissement de la personne humaine. C'est ces quelques lignes que j'avais envie de lire. Il y a des mots qui sont relativement forts, qui me parlent. On parle de performance et de sobriété. À première vue, dans une première lecture, c'est deux mots qui pourraient s'opposer, finalement. Or, je pense que c'est toute la beauté de cette phrase-là, c'est que peut-être que en 2030 glorieuse, on arrivera à admettre que la performance, ça sera pas toujours le plus, encore plus, toujours plus, mais ça sera d'accepter de vivre sereinement, en accord avec un mode de vie plus simple, générateur néanmoins d'emploi, d'économie, mais de manière raisonnée et en accord avec le vivant et avec l'environnement qui est notre terre mère et qu'on a tendance à oublier, à banaliser, à bafouer, à violer par moment. Et voilà, ce passage de ce livre, en tout cas, résonne dans ma tête et guide parfois mes actions dans le travail. Bon, écoute, c'était, je crois, la plus rapide lecture de toute l'histoire du podcast 2030 Glorieuse, mais les mots étaient intenses et puis en plus, son explication valait le coup. Et ça nous permet de pas trop traîner non plus pour aller en 2030 Glorieuse ensemble. Donc, je te redis l'exercice, David. Pour moi, voyager en 2030 Glorieuse, c'est faire l'exercice de parler du futur au présent et de se dire, tiens, si on y arrivait, à quoi ça ressemblerait? Donc, on va tirer le fil de toi, ce que tu semais déjà à l'époque en 2025, en imaginant que ça s'est largement démocratisé, largement normalisé et qu'aujourd'hui, des grands plateaux, pourquoi pas, il y en a en réalité partout en France, partout en Europe, partout dans le monde, que sais-je, qu'on a vachement avancé sur cette question, que le vélo est devenu le moyen numéro un de se déplacer en France, bien évidemment, que l'économie s'est remise au service d'un savoir-faire français qui évite de gaspiller. Enfin, on va vraiment partir hyper loin. Et de tout ça, on va en parler comme si on le voyait, comme si on le racontait, comme si au mieux on le découvrait. Et donc, on va en parler au présent. J'insiste, c'est hyper important. Ça va donner l'impression aux personnes qui, elles, sont restées en 2025, 2026, je ne sais pas quand elle sera écoutée cet épisode, mais qui sont derrière leurs écouteurs, derrière leur enceinte, de se dire, mais waouh, ils y sont vraiment. Ça parle parce que forcément, on a l'impression qu'ils sont en train de les vivre, ces 2030 glorieuses. Si jamais tu parles quand même au futur, David, ça veut dire qu'on est en 2040, 2050, glorieuses, que sais-je, et on essaie d'éviter le conditionnel. On va essayer de détailler aussi ce qu'on raconte en étant le plus ambitieux possible. Okay, on n'a pas de limite dans notre ambition. Personne ne reviendra vers nous dans quelques années pour nous dire mais tu nous avais dit qu'en 2030 tu aurais ça, ça et ça, ça s'est pas passé. Je veux un chèque de dédommagement. Okay, là on est là pour rêver, c'est hyper important. On fait cet exercice qui est pas évident. On a le droit de se reprendre, on a le droit de balbutier, on a le droit de faire des petits tours dans nos têtes ou dans nos mots pour montrer qu'on n'est pas forcément à l'aise avec cet exercice. Moi c'est aussi un exercice voulu que de pas trop préparer les interviews avec les gens à qui je donne la parole pour montrer qu'en réalité, on est tous et toutes aptes à faire cet exercice. C'est une question d'entraînement. Comme ça, ça aussi, j'ai l'impression, permet de ne pas trop inhiber les personnes qui nous écouteraient, qui diraient « Ouais, mais attends, en fait, leurs rêves, ils sont hyper polis, hyper ciselés, hyper précis. Déjà, moi, j'arriverai jamais, laisse tomber, je me risque pas à faire cet exercice parce que je pense sincèrement que toutes et tous les Français, on a le droit, mais surtout le devoir de faire cet exercice et que c'est en étant utopiste au quotidien qu'ensuite, on peut revenir dans le présent et vraiment, enfin, transformer nos vie pour les mettre à la hauteur de tous les enjeux de notre siècle. Est-ce que tu as une question pour moi, David? Sinon, on n'a plus d'autres exercices à faire que de voyager en 2030 glorieuse. Alors, j'ai pas spécialement de questions. J'adore le voyage, donc c'est super. Après, je pense qu'on a tous une tendance, on voit des choses dans notre imaginaire. Je pense que la principale difficulté, c'est de mettre des mots et d'organiser une réflexion un petit peu structurée. Et effectivement, pour ma part, je ne suis pas du tout entraîné dans ce genre d'exercice, mais en tout cas, je me prête volontiers à l'exercice et à tenter ce voyage. Donc ça y est, on y est en 2030. Je ne sais pas si j'ai entendu le temps que tu me poses cette question ou en tout cas que tu me partages tes doutes, tu as senti une petite secousse qui fait qu'on est en 2030. La première question que je te pose, je ne sais pas où tu es toi en 2030, peut-être que tu ouvres les yeux vers quelque chose que tu découvres. Est-ce que tu peux me raconter ce que tu vois toi tout de suite là en 2030, David, s'il te plaît? Qu'est-ce que je vois autour de moi? Tu es peut-être assis à ton bureau, peut-être que tu es chez toi, par la fenêtre, ton regard divague un peu et s'arrête sur quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? À ce moment précis, je suis sur mon vélo et je constate à quel point ce mode de déplacement n'est pas un mode de déplacement alternatif. C'est un mode de déplacement évident. Sur lequel je peux observer tout type de public. Ce n'est pas un instrument uniquement pour les cadres qui ont décidé d'aller au boulot à vélo, mais je vois des gens qui voyagent à vélo et qui traversent Lyon parce que c'est une ville étape sur leur parcours. Je vois des jeunes le long des quais du Rhône qui rentrent de cours à vélo et qui se dirigent vers la résidence étudiante. Je vois des gens qui vont au travail, je vois des familles, je vois des enfants sur ces vélos. Je vois des vélos de partout, que ce soit devant, derrière, à droite, à gauche, de toutes les couleurs, des vélos motorisés ou pas. C'est vraiment une évidence et surtout la ville est apaisée. Beaucoup moins agressif, je vois beaucoup plus d'espace vert et ça devient un lieu de vie extrêmement sympathique. Qu'est-ce que c'est sympa la ville, alors que par le passé, je l'ai fui, trop agressive, trop effectivement, trop de voitures. Et là, en 2030, c'est clair, je vois des vélos de partout et je me dis, tiens, pourquoi pas repasser davantage de temps en ville, pourquoi pas même revenir vivre pour ma part en ville. Voilà ce que je vois immédiatement. Ouais, c'est vrai que la voiture, elle nous faisait peur à l'époque. Moi, je me rappelle que je me promenais souvent en ville avec mes enfants et j'avais toujours peur qu'il y ait quelque chose qui leur arrive. Et donc, c'est une hypersensibilité, une hyperconcentration permanente. Attention à quand on traverse, attention au feu, attention à tout. Et là, le fait aujourd'hui, même si les vélos vont vite, même si c'est aussi un danger, c'est sûr. On a des vraies autoroutes à vélo, on a des espaces bien délimités et puis surtout un calme qui fait qu'on a beaucoup moins peur de se prendre un truc de 2 tonnes qui nous foncerait dessus. Donc ça déjà, ça change tout. Moi, quand j'étais gamin, David, mon rêve, c'était d'être designer dans le secteur automobile. Je dessinais des voitures et je rêvais de dessiner la nouvelle Audi TT ou que sais-je, un truc un peu emblématique. Si j'étais à nouveau ce gamin en 2030 glorieuse, je rêverais de dessiner des nouveaux vélos iconique qui partirait d'anciens vélos. Tu lui dirais quoi à ce gamin dans sa capacité à rejoindre une économie, une industrie en pleine effervescence? Tu lui conseillerais quoi? Alors je sais pas qu'est-ce que je lui dirais. Je lui dirais précisément. Enfin, je pense que je lui dirais de faire quelque chose qui lui fait plaisir, de faire quelque chose auquel il croit. Je pense que je resterai relativement flou. Je pense que le vélo est un instrument de liberté, donc c'est un des et surtout par les temps qui couraient autrefois en 2025 et où on voit que la paix, la liberté sans menacer, eh ben je lui dirais, C'est quand même fou parce que tu utilises le mot liberté, je ne sais pas si tu t'en rappelles, en 2020-2025, le mot liberté, je crois que dans les publicités, il était en réalité le plus souvent associé au monde de l'automobile. Oui, complètement, comme étant celui de la liberté ultime, alors qu'en réalité, c'était complètement dévoyé. Et c'est vrai qu'on a redonné un peu ces lettres de noblesse à la liberté du déplacement par le vélo. Et donc, ça me touche que tu dises ça. Et puis en plus, rentrer dans la filière de l'automobile à l'époque, c'était hyper difficile. C'était quand même très tenu, presque cadenassé par des très très grandes industries qui pesaient des milliards et des milliards. Alors que, on a quelques fleurons du cycle en France en 2030 glorieuse, mais c'est quand même à chaque fois des industries, des entreprises qui sont presque en fait à taille artisanale, à taille humaine, qui sont présentes sur le territoire, mais parfois pas beaucoup plus. C'est ça aussi, moi, que j'aime avec l'économie du vélo. C'est une économie presque permaculturelle, non? Oui, c'est vrai. C'est vrai que qu'on n'est pas du tout au même niveau et dans les mêmes proportions que l'industrie automobile. C'est une économie accessible. Ce sont des acteurs effectivement de taille, je sais pas comment dire. Raisonnable, frugal, je sais pas. Oui, raisonnable, exactement. Et en 2030, ces acteurs se sont multipliés. On a gardé ce côté artisanal. C'est un objet qui embarque un petit peu plus de technologie. Parce que la sobriété, c'est pas forcément revenir à l'âge de pierre. C'est continuer à se déplacer, mais de manière plus modeste, avec un joli vélo. Et en 2030, on sait fabriquer des vélos beaucoup plus made in France. Et qui suscite l'intérêt d'un beaucoup beaucoup d'usagers, et comme je le disais tout à l'heure, petits et grands. Ouais, d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu penses là en ce moment, tu sais, de cette décision qui est en train d'être discutée au Parlement, de la nécessité d'encadrer l'économie du vélo en limitant la part du neuf à une certaine portion. Alors certains parlent de 20%, d'autres d'un tiers, d'autres disent pas en dessous de 50% de la production de vélo. Je sais que toi, à l'époque, tu travaillais pour Second Cycle. J'imagine que l'idée de se dire que on a produit tellement de vélos dans les décennies précédentes que aujourd'hui on peut aussi faire avec la flotte existante, ça te parle, non? Ouais, ça me parle complètement, puisque à l'époque, dont je travaille toujours pour Second Cycle, mais à l'époque, quand on s'est lancé, c'était une loi un peu utopique, qui s'appelle toujours la loi AGEC, anti-gaspillage. Aujourd'hui, cette loi est rentrée dans les mœurs, et c'est une évidence que la part du réemploi doit occuper une grande majorité des achats, qu'ils soient publics ou privés, et que le réflexe du 100% tout neuf est un lointain souvenir. Voilà, aujourd'hui, c'est l'évidence. Ouais, d'ailleurs, tu sais, moi, quand je me balade dans d'autres villes, je passe souvent par ces recycleries, ressourceries du vélo à la recherche d'une pièce réemployée unique. J'avoue que j'ai toujours envie d'améliorer mon vélo, de le personnaliser, de le customiser encore plus. Et donc, on a ces grandes bibliothèques de pièces détachées des vélos partout en France, avec parfois des pièces uniques de collection qu'on peut dénicher par hasard. Moi, ça fait partie de mes passions. C'est un peu comme celles et ceux qui couraient les vides-greniers à l'époque, quoi. Ben oui, c'est génial. Aujourd'hui, on se rend compte que tout est réparable, que toutes les références de pièces existent. On a des outils hyper développés qui permettent d'archiver, de répertorier, de recenser tout un tas de pièces qui permettent de remettre en état, de refaire fonctionner des vélos qui peuvent avoir 30 ans, 40 ans de vétusté, et qu'on se disait, mais comment en 2025 on pouvait balancer ces pièces parce qu'on savait pas quoi en faire, alors qu'aujourd'hui, ben, on se rend compte que on arrive à faire, à redonner vie à tout un parc de vélos, à satisfaire les besoins d'usagers qui peuvent ressortir des vélos d'antan, des vélos qui trônaient un petit peu dans leur cave, et aujourd'hui, ben, au détour effectivement d'une rue, il y a plein de petits ateliers qui permettent de se réapprovisionner assez facilement et de trouver la pièce tant recherchée. Et aujourd'hui, c'est tellement facile. C'est vrai que c'est une sacrée avancée. Et d'ailleurs, tu sais ce qu'on dit, hein, David, si t'as jamais encore ressoudé ton vélo, t'as raté ta vie, hein. En 2030 glorieuse, on sait qu'on bricole, on sait qu'on répare, c'est devenu évident. Et d'ailleurs, la bricole, la réparation, le reconditionnement, le réemploi, tu le disais, c'est devenu une manne d'emploi extraordinaire. Et peut-être que toi, tu avais déjà le chiffre, d'ailleurs, et je suis preneur de ton analyse là-dessus, mais fabriquer un vélo neuf, c'était quelques personnes. Reconditionner un vélo, c'était beaucoup plus de monde. Ça impliquait beaucoup plus de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, ça a participé à faire en sorte que la filière vélo, elle est devenue une des filières un peu tête d'affiche un peu locomotive, voilà, c'est ça. C'est devenu une filière locomotive de, de l'économie en oui, France. Oui, ou tête de cordée. Pour... Oui, c'est ça. Voilà. Bon, alors, bien sûr qu'il y a l'alimentation en France qui prend énormément de main-d'œuvre, mais le vélo, c'est aussi une belle part. Complètement. Ça a créé et ça continue de créer plein d'emplois. Et surtout, ça nous permet de travailler en France et de créer de l'emploi ici, dans nos ateliers. Et c'est une véritable avancée de pouvoir voir ce spectacle-là. Quand je me souviens à l'époque que tout venait de l'autre bout du monde, ça paraissait complètement fou. Aujourd'hui, on crée sur notre territoire, on a des petites usines, on maîtrise ce que l'on fait et on retrouve le goût du travail manuel, du travail bien fait. Et c'est vrai que ça devient du concret. Hein. Ça devient du concret. On est fiers de ce que l'on fait et ouais. On se demande comment on faisait en 2025, en fait. Ça, c'est bien dit. Le Grand Plateau, c'était cet espace un peu singulier, plutôt innovant à l'époque. Tu te souviens, tu en faisais partie il n'y a même pas une dizaine d'années en arrière. Et le Grand Plateau, il a gardé son caractère innovant. Comment il a réussi à conserver son temps d'avance? Alors, je sais qu'il y a toute une expérimentation aujourd'hui avec notamment les ateliers... de réappropriation de la technique dans le monde paysan parce qu'il y a besoin de recréer des machines qui passent pas par le pétrole pour aider à labourer, à récolter, à entretenir la terre et on propose comme ça de fabriquer des vélos un peu hors normes pour effectuer des tâches dans les champs. Est-ce que tu as d'autres exemples que tu veux nous partager de toutes les expérimentations fertiles un peu loufoques parfois que le Grand Plateau est en train de mener en 2030 Glorieuse? Là-dessus, oui, en tout cas, à l'époque, c'était un projet dans un bâtiment, en tout cas, un peu ancien, on va dire, hein, dans lequel on avait un peu froid l'hiver et très très chaud l'été. Aujourd'hui, on a un espace de travail qui est plus développé, qui répond davantage aux besoins de croissance de nos entreprises. Et l'activité du Grand Plateau a vraiment trouvé son modèle, car toutes les entreprises qui pouvaient en être résidentes en 2025 se sont développées, et aujourd'hui, on a une assise beaucoup plus importante. Et on est parvenu à connecter notre activité effectivement avec d'autres secteurs d'activité. Tu parlais d'agriculture, mais on s'est aussi connecté avec des sociétés qui œuvrent pour une énergie plus verte, avec des économies qui gravitent autour du bâtiment, du logement, et ça a démultiplié les projets. Des grands plateaux, ça a commencé en 2025 effectivement à Lyon, mais aujourd'hui, il en existe en région parisienne, du côté de Bordeaux, sur la côte atlantique, en Provence, et j'ai même entendu que il y a un projet similaire qui emboîte le pas en région centre et que la France commence à être vraiment quadrillée de grands plateaux et c'est vrai que en 5 ans le chemin parcouru est assez énorme et ce qui était une expérimentation en 2025 est devenu quelque chose de plus abouti, une évidence. Moi, j'aime bien toutes les expérimentations entre le monde du cycle et celui de l'électroménager. Tu sais, maintenant, on a des vélos mixeurs pour mixer les fruits et les légumes, on a des vélos machines à laver, on a des vélos qui produisent de l'électricité. Enfin, vraiment, le mécanisme du vélo a été dévoyé, j'allais dire, adapté, transformé pour plein d'utilisations du quotidien. Et ça me plaît beaucoup. Toi, ça te parle, j'imagine? Ouais, complètement. Moi, l'utilisation que je préfère là-dedans, c'est même le vélo pour voyager. En 2025, c'était déjà un peu plus que les balbutiements. Aujourd'hui, on se rend enfin compte, et ça, c'est vraiment cool, qu'on n'est pas obligé de monter dans un avion et cramer du kérosène pour aller se dépayser, mais que grâce au vélo, on se dépayse dès qu'on monte sur son vélo et qu'on se met en route au départ de chez soi, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et qu'on peut le faire en famille, parce qu'il y a plein d'aménagements, ça c'est génial. Alors j'ai l'impression d'être un peu un vieux con en disant ça, mais à l'époque, il n'y avait pas de réseau cyclable, il n'y avait que dalle, il n'y avait rien du tout, on se sentait un peu en insécurité. Aujourd'hui, c'est devenu tellement facile. En 2030, c'est simple. Voilà, on peut voyager à vélo et c'est, je le disais tout à l'heure, c'est un instrument de liberté formidable qui permet de, c'est très friendly comme mode de transport et ça nous permet de discuter avec des gens, ça nous permet de sentir les choses et en peu de kilomètres et en fait on se dit aujourd'hui mais pourquoi on partait à l'autre bout du monde pour se dépayser alors qu'aujourd'hui, voilà, à 50 bornes de chez soi, on peut, sur des infrastructures qui ont vraiment progressé, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est devenu un Eldorado. D'ailleurs, à l'époque, ils disaient, oui, on veut faire de la France la destination numéro 1 mondiale du voyage à vélo. Ben, en fait, on y est arrivé. C'est vrai que c'est pas que le Tour de France, c'est aussi... plein de magnifiques régions dans lesquelles on peut pédaler tout doux, tranquillement, et je trouve que c'est une des meilleures évolutions du vélo. Voilà, au-delà du vélo machine à laver et du vélo laveur de trottoir. Voilà, je trouve que ça c'est cool aujourd'hui. David, la question la plus difficile de tout l'épisode, mais peut-être qu'en l'annonçant comme ça, je la rends encore plus difficile. Toi, tu fais quoi en 2030, Gloria? Je continue de pédaler. Je le fais depuis que je suis tout gamin, donc je vais continuer. Je continue à le faire parce que j'aime ça et parce que c'est un véritable moteur et que c'est ultra énergisant. Après, qu'est-ce que je fais? Je continue, oui, à croire en ça. Je pense ce que je fais en 2030, je travaille sur un projet plus artistique autour du vélo. En fait, le vélo, je l'ai pratiqué gamin pour aller à l'école, je l'ai pratiqué jeune en compétition, avec un dossard accroché en bas à droite de mon maillot. Je le pratique pour voyager, toujours en 2030, j'adore faire ça. Mais j'aime maintenant, en 2030, je m'efforce à trouver quelque chose de plus artistique autour du vélo. Et mes premières idées seraient peut-être de faire un court-métrage ou un film autour du vélo. Je dirais que dans mon parcours, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et en 2025, j'avais des petites idées dans un coin de ma tête là-dessus. Et en 2030, aujourd'hui, je mets tout en œuvre pour essayer d'associer l'art et le vélo. Si on revient maintenant en 2025 avec les personnes qui nous ont entendu parler de vélo pendant 20 minutes, puis en réalité je me rends compte qu'il y a maintenant presque un épisode sur 3 ou sur 4 où je parle de vélo dans le podcast 2030. Je pense que les gens vont bientôt comprendre, ou l'ont sans doute d'ailleurs déjà compris, que je suis absolument passionné de vélo, voire un peu obsessionnel, mais bon, c'est comme ça et c'est pas parti pour changer après notre conversation. Qu'est-ce que tu leur recommanderais comme pas supplémentaire vers les 2030 qu'on a dessiné ensemble? Ils terminent l'épisode, ils se reconnectent à leur vie avant de retomber, avant de se faire réhapper par leur quotidien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aller dans le sens du grand plateau, de second cycle, et faire que ces 2030 glorieuses, avec la liberté révélée, remise au goût du jour, dont le blason a été redoré grâce au vélo, deviennent une norme, deviennent une évidence? Je sais pas quel serait mon conseil. En tout cas, je me dis, pour ceux qui sont jamais montés sur un vélo, et ben, faites l'essai, je sais pas, franchissez le pas, allez voir votre employeur, renseignez-vous sur les dispositifs qui existent dans la commune dans laquelle vous vivez. Regarder une région à proximité de chez vous et puis tenter l'expérience. Je pense que voilà la meilleure. C'est pour les voyageurs déjà de se dire, prochaines vacances, vous avez 3-4 jours, une semaine même plus, hein, et vous regardez les départements qui sont à côté du vôtre, vous faites plouf, plouf, plouf, et vous décidez d'aller le visiter à vélo, ça c'est une super idée, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'aussi, je reprends, et peut-être que tu veux peut-être un peu développer cette première idée, pour les personnes qui, elles, dans leur quotidien professionnel, se disent depuis longtemps, tiens, moi c'est vrai que j'aimerais bien m'y mettre à me déplacer au quotidien à vélo, mais j'ai pas réussi à passer le cap, peut-être que le faire en fait avec d'autres personnes de son entreprise, ça peut être une bonne idée. Et là, en l'occurrence, vous, avec Second Cycle, vous proposez des offres, des accompagnements auprès des entreprises pour faire que le vélo, ça devienne une réalité, que ça devienne une évidence. Alors, hein. Nous, Second Cycle, on n'accompagne pas les entreprises. Nous, on fournit des vélos. Par contre... Oui, c'est ce que je voulais dire au niveau matériel. Il y a des entreprises... Aujourd'hui, elle se développe des entreprises qui font ce travail d'acculturation auprès des entreprises et qui proposent des solutions clés en main pour que les gens puissent essayer le vélo avec des dispositifs très très intéressants qui permettent à des gens qui ont jamais essayé un vélo assistance électrique, par exemple, sur une période d'un mois ou de plusieurs mois, pour commencer au beau jour. Et ça, c'est bien parce qu'avec le réchauffement climatique, les périodes où il fait bon se rallongent. Bon, c'est un peu ironique, mais les périodes, en tout cas, où c'est assez facile de faire du vélo commencent à devenir de plus en plus rallongés. Et puis c'est l'occasion de s'essayer et de toute façon, il y a un vieil adage qui dit essayer un vélo, c'est l'adopter. Et je pense que c'est vrai. Et voilà quel conseil je pourrais donner à ces personnes qui se posent la question, qui n'osent pas franchir le pas. Et effectivement, ben, c'est peut-être plus facile de le partager avec d'autres collègues de travail pour peut-être mieux vivre la chose, partager les expériences et accepter un peu plus facilement ce changement, qui est une avancée. C'est pas une régression, c'est une avancée. Il faut juste essayer. Merci David. De rien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour. Vous pourrez découvrir des méditations utopistes, des livres et pourquoi pas d'autres épisodes du podcast 2030 Glorieuse qui existe depuis plusieurs saisons déjà.